entendre ta voix encore une fois me dire tout bas tous ces mots d'amour qu'un jour j'ai cachés au tréfonds de moi. Quand tu es parti pour vivre ta vie bien loin du pays, me laissant meurtrir avec mon ennui, où les souvenirs font souvent souffrir, reviennent toujours comme une marée qu'on ne peut pas fuir et qui vient mourir inlassablement au cœur du dépit. Encore une fois, entendre avec joie le son de ta voix lorsque dans la nuit bien des insomnies me ramènent à toi. J'ai pris tous les bruits, parfois ceux d'un pas, tout s'arrête en moi. Mais ce n'est pas toi qui reviens vers moi, c'est une inconnue qui part dans la rue, ou le vent léger qui dans le jardin secoue tes rosiers. Ils n'ont plus fleuri, ils sont comme moi, ils s'ennuient de toi. Entendre mon nom prononcé par toi, de ta tendre voix, et fermer les yeux pour te voir en moi, tout comme autrefois. Quand après l'amour, tu aimais marcher nu dans la maison, voir ta silhouette aux formes parfaites, sentir m'envahir un nouveau désir, et ce petit cri qui vient me griser de féminité. Quand dans un câlin au creux de tes reins se posent mes mains. Encore une fois, entendre ta voix murmurer l'amour, humer ton parfum, champagne si doux d'un corps affiné. Poser mon baiser sur ta gorge offerte, au râle du plaisir, tout ton sein blotti dans ma main ouverte, sentir cette vie palpiter en toi, percevoir ta joie de t'en me troubler, de ton si beau corps. Vivre ta présence, ô douce insouciance d'un amour heureux. Entendre ta voix encore une fois, ne parler qu'à moi, revivre ce soir où ton beau regard s'est posé sur moi. Ressentir ce choc si fatal en soi, où le cœur s'échoua, être très inquiet que n'autre que moi puisse t'inviter à venir danser, saisir ton sourire, bienvenue ce soir à tous mes espoirs. Enfin récompense, cueillir dans mes bras ton corps délicieux. Encore une fois, entendre ton cœur qui bat. bas près de moi, au matin d'ivresse, voir naître un jour, aux douces promesses, découvrir ton nu, lever près du mien, signe de tendresse, admirer longtemps, aux lueurs d'aurore, le satin soyeux d'un corps merveilleux, goûter au bonheur de cette esquisse vécue près de toi, poser mon baiser sur ta nudité, vite me lever. Encore une fois, revivre tout ça au creux de tes bras.